Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Jules Siwi et le combat pour l'autodétermination des peuples autochtones. Et quand j'ai vu qu'il voulait jouer le gros jeu, alors j'ai décidé la décision finale, et que j'ai dit ma vie libre d'y penser, mais le droit vous n'y toucherez pas. Et c'est là que j'ai décidé la grève de la faim. C'est au nom de la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples autochtones que Jules Siwi entame une grève de la faim le 22 février 1950. Cette grève de la faim qui va durer 72 jours est le dernier grand geste d'éclat de Jules Siwi, qui a été l'un des plus importants activistes autochtones du 20e siècle. C'est un mythe, mon oncle Jules. On nous racontait à peu près ses 12 travaux quand j'étais petit. Ce qui me rendait fier, c'était de savoir que les automatistes, ceux qui avaient écrit le refus global à la même époque, bien, ils manifestaient pour lui, ils sortaient dans la rue. Puis ce qui me rendait encore plus fier, c'était de retrouver un petit bout de cette grande histoire-là, bien, dans un beau livre. Mais bon, après l'excitation retombée, comme ça m'arrive de temps en temps, bien, je me suis mis à réfléchir. Deux pages. Est-ce que c'est tout ce qui reste de l'histoire de mon oncle Jules? Je me suis souvent demandé quelle trace j'allais laisser, mais... En vieillissant, là, je peux vous dire que je m'en sac totalement. Ce ne sera jamais toi qui vas décider quelle trace tangible ou intangible tu vas laisser, c'est les autres. Les autres ont le droit de vie ou de mort sous l'empreinte de tes efforts à marquer leur conscience. Tu sais, tu peux travailler fort toute ta vie à ce qu'on se souvienne de toi, mais ce ne sera jamais toi qui vas décider si ton nom va apparaître dans le dictionnaire. Oh, tu sais, on peut toujours aller écrire son récit sur Wikipédia si on veut. Je l'ai fait. Mais ça n'a rien à voir avec la véritable mémoire qui consiste à marquer si fort les esprits que même une armée d'efface n'arriverait pas à effacer ta trace. Mais c'est ça, mon oncle Jules. C'est quelqu'un qui devrait voir son nom briller dans nos livres d'histoire, mais que plusieurs ont essayé d'effacer la moindre de ses traces. C'est un extrait du spectacle « Mon oncle Jules » que vous venez d'entendre, un spectacle dans lequel l'auteur et comédien Huron Wendat, Jocelyn Siwi, raconte l'histoire de son grand-oncle Jules Siwi. Pour nous parler de l'importance qu'a eu Jules Siwi dans le combat des Autochtones du Canada au 20e siècle, je reçois justement Jocelyn Siwi. Jocelyn Siwi, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Jocelyn Siwi, vous venez de publier un livre dans lequel vous racontez donc l'histoire de votre grand-oncle, Jules Siwi, une histoire, puis on vient de l'entendre, que vous avez aussi portée sur scène dans ce spectacle donc, dont on vient d'entendre un extrait. Parlez-nous du point de départ. Vous l'évoquez un peu dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais le point de départ de cette aventure-là, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire de Jules Siwi? Bien, c'est un événement très, très simple. J'étais en train de lire « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Puis, donc, à un moment donné, je tombe sur cette page-là qui raconte l'histoire de mon oncle Jules. En fait, le moment où il va tomber en procès contre le gouvernement, où on parle de sédition. Et là, j'ai eu comme un appel. Je me suis dit, bien, qu'est-ce qui est devenu de mon grand-oncle? Je me suis mis à creuser un peu pour réaliser qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible et pour réaliser aussi que l'histoire autochtone du 20e siècle, bien, est pratiquement absente des radars. Fait que là, bien, je me suis mis à creuser. Et entre autres, dans une caisse que mes parents avaient à la maison. Puis à partir de là, bien, j'ai reconstitué une partie de sa vie. Puis j'ai continué à creuser comme ça pour reconstituer son histoire, pour le remettre devant, mais aussi pour c'est ça, commencer à reparler de l'histoire autochtone du 20e siècle. Parce qu'effectivement, donc, l'envie de raconter cette histoire méconnue, puis effectivement, l'histoire de votre oncle, qui a vraiment été une figure importante du combat autochtone, le fait qu'on l'ait oublié, cette histoire-là, ça nous en dit beaucoup sur le sort qu'on a réservé à l'histoire autochtone au Canada. Parlons-en de la place qu'il a occupée, puis on va le faire tout au cours de l'émission, mais en quelques mots déjà, de quelle manière Jules Siwi a été une figure aussi importante du combat des Autochtones pour la reconnaissance de leurs droits, Jocelyn Siwi? Bien, je crois que c'est un des plus grands activistes autochtones du 20e siècle. En fait, son combat a donné naissance à l'Assemblée des Premières Nations, en tout cas sa première forme. Ça a été un des premiers à revendiquer l'autodétermination des Premières Nations. Donc, par la suite, bien, en fait, ça a été un précurseur. Oui. Quelques mots sur ses origines, sur ce que ça voulait dire aussi d'être Huron-Wendat à l'époque où naît mon oncle Jules, parce que ça fait partie de l'équation. C'est important de comprendre ça avant d'aller plus loin. Il naît à votre grand-oncle en 1906 à Val-Saint-Michel, aujourd'hui devenu Val-Bélair, dans les régions de Québec. Donc, parlez-moi un petit peu de ça. Avant de parler de son enfance et de sa jeunesse comme telle, parlez-moi un petit peu du contexte dans lequel il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire être Huron-Wendat à Saint-Michel au début du 20e siècle? Bien, au début du 20e siècle, la culture, la langue Wendat est pratiquement disparue. Il reste très, très peu de choses. Même l'Église vient d'interdire les chants en langue Wendat dans les églises. Donc, les gens perdent de plus en plus leurs traces. Puis mon grand-oncle, bien, avant de naître, il y avait la réserve des 40 arpents à Val-Saint-Michel. Et cette réserve-là a été démantelée en 1904 suite à un référendum qui a été truqué, en fait, pour récupérer ces terres-là puis les distribuer à des citoyens canadiens. Parce qu'il faut le rappeler, à cause de la loi sur les Indiens, bien, les Autochtones n'étaient pas considérés comme des citoyens canadiens. Et puis, bon, ça a été une histoire comme ça. Hein? On enlevait les réserves, on distribuait les terres. Et bref, donc, c'est dans ces conditions-là que mon oncle naît en 1906, dans une réserve démantelée, en fait. Oui. Et ce qui déjà, donc... puis ça va le suivre, on va le voir, là, mais les gens qui sont originaires de cette réserve démantelée vont se retrouver ailleurs, puis il y aura comme une étiquette qui va continuer de leur être accolée par la suite. Au-delà de ce contexte général-là, un petit mot sur son enfance, sur sa jeunesse. À quoi ressemble l'enfance et la jeunesse de Jules Sioui? Donc, bien, c'est ça. Il naît à Val-Saint-Michel, dans l'ancienne réserve des 40 arpents. Puis, bien, rapidement, au début de sa vie, la maison où il vit avec ses parents, bien, elle prend feu. Ils sont forcés d'aller vivre dans une petite maison de pierre, pas finie, pas isolée. Puis, bien, il va attraper la pleurésie à l'âge de 6 ans. Puis, ça va vraiment orienter sa vie parce que, bien, il va se battre, hein, très longtemps contre cette maladie-là. Puis, il va décider de survivre. Et puis, voilà, il va aller à l'école. Il va aimer beaucoup l'école. Il va être très bon à l'école. Il y a même un prêtre qui était le père, qui était directeur de cette école-là, qui va l'inciter à aller plus loin. Il va étudier jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais bon, son père, Elzéar, meurt. Et bien, il est forcé d'intégrer le marché du travail pour aider sa famille. Puis là, bien, il va travailler dans un hôtel dans le coin de Québec. Et il va rencontrer des New-Yorkais, des Américains. Il va commencer à parler en anglais. Puis ça va faire germer en lui une idée d'aller à New York. C'est ce qu'il va faire en 1927 avec ses deux frères, dont mon grand-père Lucien va l'accompagner à New York pendant quelques années. Puis il va exercer plusieurs petits boulots. Puis il va apprendre l'anglais profondément. Puis que ça va avoir aussi une importance capitale pour la suite des choses. Puis je pense qu'il va développer une profonde envie de liberté à New York. Il va constater c'est quoi... par cette grande ville-là, ça doit être fantastique à l'époque d'aller à New York. Puis en fait, bien, la Grande Dépression va mettre fin à ce voyage-là en 1929. Puis en 1930, il va revenir et il va épouser Clara Robitaille, qui va être sa femme pour le reste de ses jours, jusqu'à temps qu'elle meure, en fait. Il va ouvrir une épicerie à Ancienne Lorette. Bien, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas un bon gestionnaire, mais au bout d'un certain temps, il fait faillite. Et un petit peu acculé au pied du mur... il décide de demander la charité au département des affaires indiennes qui accepte. Et ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, les gens qui vivaient à l'extérieur des réserves n'étaient plus considérés comme des Autochtones. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont accepté. Mais bref, ils ont accepté qu'ils réintègrent la réserve de Lorette. En fait, qu'ils l'intègrent parce qu'ils n'avaient jamais vécu là. Donc, ça s'est passé en 1936. Oui. Et puis arrive la guerre, et avec la guerre, ce contexte, ce débat autour de la conscription et l'adoption, finalement, après le plébiscite de 1942, de la loi de la conscription. Et ça, c'est fondamental. On y revient dans un instant avec vous, Jocelyn Sioui, mais cette loi de la conscription, c'est vraiment le point tournant pour l'engagement militant, pour l'engagement politique de votre grand-oncle, Jules Sioui. 1941, l'Allemagne envahit la Russie. Les Japonais attaquent Pearl Harbor, l'Amérique rentre en guerre. Ça sera sur le fond asiatique que les Canadiens se battront pour la première fois pour la défense de Hong Kong contre le Japon. Au pays, l'idée de conscription fera petit à petit son chemin. Le ministre de la Justice fédérale, Ernest Lapointe, chef de file du Québec, s'y oppose violemment, tout en étant d'accord avec le volontariat. Le Canada, notre pays, est en guerre. Nous venons d'entrer dans la troisième année de cette guerre. Nous sommes membres de la grande Société des Nations britanniques. Nous croyons son existence essentielle à la liberté du monde et à notre propre croissance nationale. Devant la menace qui la confronte, nous nous sommes levés pour la défendre. Nous nous défendons. 1942, le 27 avril, le premier ministre M. King demande aux Canadiens par plébiscite de relever le gouvernement de son engagement contre la conscription. Le Québec vote non, les autres provinces oui. Le chef du gouvernement vous avait dit la conscription n'est pas nécessaire et elle ne sera probablement jamais nécessaire. Mais le lendemain de votre vote, le lendemain du comptage des votes sur le plébiscite, nous avions au Parlement une loi proposant la conscription. Ce n'est pas ce que l'on vous avait dit. Si l'on avait dit dans tout le pays, si vous votez oui, vous allez avoir la conscription demain, il y a des provinces anglaises qui auraient voté non, comme la province de Québec a voté non à ce moment-là. Extrait d'un reportage de Denise Faye présenté à l'émission Présent du 7 mai 1985. Vous y avez entendu les anciens ministres du gouvernement de Mackenzie King, Ernest Lapointe d'abord, puis ensuite Arthur Cardin. Arthur Cardin qui avait, lui, démissionné à la suite de l'adoption de la loi sur la conscription en 1942. Ce débat-là, évidemment, le débat autour de la conscription, ça reste l'un des épisodes les plus profondément divisifs, qui a le plus profondément divisé le pays sur le plan politique. Et c'est dans ce contexte-là, dans le contexte de ce débat autour de la conscription, que votre oncle Jules Siwi décide de se lancer dans l'action politique, Jocelyn Siwi. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse votre grand-oncle Jules à se lancer dans l'action militante à ce moment précis de la conscription? Bien, c'est que selon la loi sur les Indiens, les Autochtones sont considérés comme moins que des enfants. Puis comme des enfants, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, mon oncle Jules se lève puis commence à contester. D'abord tout seul de son bord, puis graduellement rejoint un mouvement, donc d'autres Autochtones qui n'ont pas envie de s'enrôler, parce que selon, entre autres, le traité Maurice, pas seulement parce qu'ils ne sont pas citoyens canadiens, mais aussi un traité qui avait été signé qui s'appelle le traité Maurice, selon lequel les Autochtones, bien, il n'y avait pas à combattre pour le roi. Donc, on va s'appuyer là-dessus, les gens vont commencer à se lever, puis ils vont tous dire la même chose. On n'est pas citoyen canadien, on n'a pas le droit de vote et on n'a pas à aller à la guerre. En 1940, bon, ce qu'on a entendu, c'est qu'au début de la guerre, les Autochtones ne vont pas aller en la conscription, en fait. Il y a Ernest Lapointe qui va publier un communiqué et qui va dire « Seuls les Esquimaux, les Indiens et les aliénés sont exemptés pour des raisons évidentes », qui est, bon, aujourd'hui, qui peut paraître un peu grossier, je dirais. Mais en 1942, donc, à cause du plébiscite, le gouvernement change son fusil d'épaule, puis il impose la conscription aussi aux Autochtones. Et puis là, bien, pour mon oncle Jules, ça va être le début de la guerre. Oui. Et quelle forme ça va prendre, ce combat, en fait, cette guerre, ce combat de Jules Siwi, face à ce que la conscription veut maintenant, désormais, dire pour les Autochtones aussi? Bien, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de rassembler des voix autour de lui. Il va écrire beaucoup. Il va envoyer des lettres partout au pays. Il y en a même qui disent qu'il pouvait écrire jusqu'à 500 lettres pour rejoindre ses alliés partout au pays. Il va participer à des rencontres locales ou régionales, donc au Québec. Puis il va même participer à une pétition. Entre autres, il y avait Andrew Paul à l'époque, qui est un grand activiste, mais lui de Vancouver. Ils vont se rassembler à Ottawa pour une première fois. Ils sont 6 à ce moment-là. Puis au bout d'un moment, bien, ça continue. Il se bat contre le gouvernement, puis il décide d'organiser une première grande rencontre à Ottawa où 44 personnes vont se rencontrer en 1943. Et c'est la première grande convention des Premières Nations. Oui. Et puis ça sera suivi l'année suivante, en juin 44, d'une deuxième réunion qu'on peut vraiment qualifier d'historique, où il y a encore plus de chefs qui se rassemblent autour de Jules Siwi à Ottawa. En quoi cette réunion-là, celle de juin 44, est-elle si importante, Jocelyn Siwi? Bien, je pense que Jules est un grand rassembleur. Hein? C'est une de ses grandes forces. Fait qu'après la première assemblée, il va publier un pamphlet qui s'appelle « La guerre, la paix au Canada, l'envahisseur a fait mourir le patriote Louis Riel », qui explique les motifs de son combat puis qui va faire voyager à travers le pays pour rassembler encore plus d'Autochtones. Puis quand je dis à travers le pays, c'est même à travers l'Amérique du Nord, parce que le 5 juin 1944, il y a 200 chefs sages et activistes qui se rassemblent à Ottawa grâce à mon oncle Jules. Donc, c'est celle qui va donner naissance à l'actuelle Assemblée des Premières Nations. Par la suite, ça va toujours continuer. Cette journée-là, le gouvernement accepte de rencontrer la délégation, mais seulement si Jules Siwi est exclu de la réunion, parce qu'on l'accuse d'avoir fait de la prison, que c'est un fauteur de troubles. Puis là, ben, ce groupe-là qui vient juste de se former, ben, est forcé de se diviser. Puis voilà, mon oncle qui est tassé de là. Le lendemain, le gouvernement décide, lui, de rencontrer les chefs. Pour la première fois, un ministre va s'adresser au groupe. En fait, c'est la première fois en 70 ans d'affaires indiennes que ça arrive. Ouais. Ben, durant cette réunion-là, les gens n'ont pas le droit de parler. En fait, il y a seulement le ministre Crérard qui va parler, qui va promettre des meilleurs soins, qui va promettre, par exemple, une meilleure attention aux Premières Nations. Puis, ils vont inviter les citoyens qui sont là, en fait, les Autochtones, à être là, à devenir des citoyens utiles, à sortir de l'obscurité en s'émancipant, parce que c'est ce qu'on incitait les Autochtones à faire à l'époque. Donc, gain symbolique important parce qu'il y a une rencontre, c'est une première qu'un ministre rencontre des représentants autochtones avec les bémols que vous venez de faire, ce discours très paternaliste du ministre. Et puis, cette exclusion de votre grand-oncle, le soir même donc de son exclusion de cette réunion du 5 juin 1944, il décide, Jules Siwi, de fonder le gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord. Et là commence vraiment pour lui une période intense de militantisme. On va revenir un petit peu sur la forme que va prendre ce militantisme dans les mois qui vont suivre. Mais on écoute d'abord l'anthropologue de l'Université de Montréal, Rémi Savard, parler du tournant que représente ce moment-là dans la dynamique politique canadienne sur la question autochtone, extrait de l'émission aux 20 heures, diffusée en 1977. Vers les années 40, il y a eu des tentatives à ce moment-là, faites sur le plan canadien, c'est-à-dire réunissant les Indiens d'un océan à l'autre, et qui avait été animé, organisé par un Indien du village Huron de Lorette, qui s'appelait Jules Siwi, et qui avait créé une sorte de réseau de relations avec les chefs de l'Ouest, et qui ont commencé à essayer d'organiser des mouvements politiques, de donner des lignes de conduite à ce mouvement politique, alors même jusqu'à faire des interventions auprès de la Société des Nations. Imaginez-vous, vers les années 40, d'un océan à l'autre, des gens parlant des langues différentes, avec très peu de ressources, très peu de moyens, la difficulté de l'entreprise. Alors, parlez-moi de cette période assez fascinante, Jocelyn Siwi, où votre grand-oncle Jules crée le gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord. Quel but il poursuit avec cette organisation-là et à quoi ressemble très concrètement son travail de militant à cette époque-là? Bien, en fait, mon oncle veut un pays, rien de moins. Il veut récupérer la liberté des Premières Nations, donc en quelque sorte se séparer. Il va commencer à voyager un petit peu partout et à faire valoir ses points auprès des nations. Il va y avoir 2000 personnes qui vont adhérer à ce mouvement-là. Par exemple, ça peut être 50% des Autochtones à Pointe-Bleue, qu'on appelle Mashteuyasht aujourd'hui. Puis il visait un grand but, c'est-à-dire de rejoindre l'ONU à titre de peuple de nation. Mais au bout d'un certain moment, le gouvernement en a assez de ses frasques et puis il va mettre un stop à son mouvement et il va tout simplement l'arrêter pour sédition. Et à la suite de cette arrestation, donc, Ottawa va lui intenter un procès en bonne et due forme. Vous parlez de sédition. Quel motif invoque Ottawa pour poursuivre votre grand-oncle Jules Siwi? Et quelle allure va prendre ce procès-là aussi? Bien, en fait, on va tenter de l'accuser d'avoir rébellé les Indiens contre la couronne britannique. Après ça, donc, mon oncle va essayer de tout faire pour arrêter ce procès-là. En fait, de dire que c'est seulement la justice internationale. Il ne faut pas oublier, hein, il voulait que l'ONU reconnaisse les Premières Nations. Donc, il va s'opposer de toutes sortes de façons, mais il va perdre ce premier procès-là. Il va essayer de défendre, de démontrer les injustices et la ségrégation dans le pays, mais il va oublier de se défendre lui-même. Et puis, bon, on va l'accuser pour une première fois. Il va porter la cause en appel il va gagner, mais le gouvernement, lui, veut pas perdre, donc il dépose la cause en Cour suprême. Oui. Fait un peu de prison, quand même. Il est condamné à 2 ans de prison, va passer un peu de temps en prison, mais va finalement être libéré. Mais quand le fédéral décide de porter la cause en appel jusqu'en Cour suprême, il décide le 22 février 1950, Jules Sioui, d'entamer une grève de la faim. Ça va durer 72 jours. Pourquoi cette grève de la faim? Bien, en fait, ça revient encore, il veut la libération des peuples autochtones, il veut qu'ils deviennent indépendants, il souhaite l'autodétermination, puis il veut aussi qu'on lève les charges contre lui, mais ce n'est pas sa première cause, c'est vraiment la libération de son peuple. Au bout de 48 jours, le gouvernement va retirer les plaintes, mais lui va continuer jusqu'au 5 mai 1950, donc jusqu'à 72 jours, et c'est toujours la libération de son peuple qui est en tête, donc il continue malgré tout. Et puis, au bout d'un certain moment, je ne sais pas pourquoi, mais il arrête sa grève de la faim. Puis, au même moment, Ottawa décide de discuter avec les chefs autochtones. Puis, en 51, il y aura un changement de ton historique et avec les Premières Nations. Puis, la loi sur les Indiens est allégée auprès des Autochtones. Et c'est ça qui est fascinant, entre autres, dans cette histoire-là, c'est que c'est l'action d'un homme, d'un militant, d'un seul homme, mais qui... vraiment créer des remous, indispose profondément Ottawa. Les colonnes du temple, en quelque sorte, tremblent devant l'action de Jules Sioui. Je pense qu'on peut dire ça. Cela dit, après cet épisode de grève de la faim, votre grand-oncle Jules Sioui tombe un petit peu dans l'oubli. Jocelyn Sioui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, bon, il arrive, après sa grève de la faim, il devient un peu l'ombre de lui-même. Il perd beaucoup de ses facultés motrices, mais aussi un peu la tête graduellement. Ça l'a affecté beaucoup, mais il y a quelque chose qui a entaché beaucoup plus sa vie, sa réputation. C'est qu'en 1944, il est accusé pour grossière indécence, c'est-à-dire d'avoir touché à des garçons, à 5 garçons, parce qu'il faisait office de barbier, puis il touchait à des... il y a une histoire comme ça. Et puis, il a perdu ce procès-là. Il avait déjà été accusé pour une histoire semblable à l'époque, en 1937. Ce qui fait que graduellement, les gens ont préféré taire son histoire que d'en faire un héros, je crois. Cela dit, puis on termine là-dessus, objectivement, il y a un legs véritable. Il a fait avancer. De quelle manière il a été important? On boucle la boucle, mais pour le combat des Autochtones au Canada au 20e siècle. Bien, l'autodétermination des peuples, ça a été un des grands flambeaux des Autochtones à partir des années 70. Donc, il était un peu en avance sur son temps, je dirais. Il y a des activistes comme William Komanda, qui faisait partie de son mouvement dans les années 60, qui ont repris le flambeau. D'ailleurs, William Komanda a participé à la rédaction de la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU en 2007. Donc, il a donné une fin heureuse au grand rêve de mon oncle, qui était d'être reconnu comme nation. Jocelyn Sioui, comédien, dramaturge, marionnettiste, auteur, je le rappelle aussi, du livre « Mon oncle Jules ». Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.